divorce et ne parlait que de ça. On fit donc la chanson sur son histoire, un petit peu, même si cela n'a jamais fait revenir sa belle. Ça a en tout cas fait un beau succès pour Michel Delpech. C'était aussi dès les années 70, un petit peu dans l'air du temps. Dans notre rendez-vous, nous aurons les chansons pour danser dans ces années 70, 80 et 90, mais aussi les titres oubliés des années 80, 1986, et ce fut numéro 6 des ventes en France, un petit peu moins bien peut-être que Tout Doucement, qui avait fait numéro 2, c'est Bibi que nous retrouvons avec Je veux pas le savoir. Bibi, qui pour la petite histoire, était une fille de diplomate ghanéen affectée dans de nombreux pays, mais un peu alcoolique, et ça a un petit peu marqué son enfance. Pas d'où tu viens, ni quel est ce parfum. Chaque fois que tu rentres tard, j'ai le cœur comme d'arrosoir. Ne me raconte pas ta vie, la nôtre me suffit. Je veux pas savoir où tu vas quand tu viens tard. Je veux pas savoir, ça me fout le cafard. Je veux rien savoir. Je veux pas savoir d'où tu viens, qui tu vas voir. Je veux pas d'histoire, même par hasard. Je veux rien savoir. Tu te crois le plus fort et pourtant tu as tort. Si je fermais pas les yeux, faudrait se dire adieu. Je t'aime plus que toi, et c'est tant pis pour moi. Je veux pas savoir où tu vas quand tu viens tard. Je veux pas savoir, ça me fout le cafard. Je veux rien savoir. Je veux pas savoir d'où tu viens, qui tu vas voir. Y a trop brouillard dans ma mémoire. Je veux rien savoir. Je me dis qu'avec le temps, tu seras moins séduisant, que j'aurai le meilleur des restes de ton cœur. Et qu'enfin tous les deux, être heureux. Je veux pas savoir d'où tu vas quand tu viens tard. Je veux pas savoir, ça me fout le cafard. Je veux rien savoir. Je veux pas savoir d'où tu viens, qui tu vas voir. Je veux pas d'histoire, même par hasard. Je veux rien savoir. Je veux pas savoir où tu vas quand tu viens tard. Je veux pas savoir, ça me fout le cafard. Je veux rien savoir. Je veux pas savoir d'où tu viens, qui tu vas voir. Y a trop brouillard dans ma mémoire. Je veux rien savoir. Plus 90 égale 240. R 240. Chercher un avenir ont débarqué à Cuba, jeté l'ancre à Antigua, sur les terres de Madinina, ils ont planté du tabac. Qu'ils s'appellent Yanou Loïc, ils ont trouvé leur Amérique, buvant du rhum à la Dame Jeanne, pour oublier le corps des femmes. Parti du nord de Bretagne ou d'ailleurs, parti chercher un avenir meilleur, les yeux tournés vers le grand océan, ils ont quitté l'Orient. Galère du roi ou galion de corsaire, ils ont pleuré sur les quais de Quimper, les yeux tournés vers des îles lointaines, ils ont quitté l'Aquitaine. Ils vivaient dans l'incertitude de ceux qui refusent les lois, avaient cassé leurs habitudes pour ne plus vivre pour un roi. Ils ont vaincu les Espagnols et barré la route aux Anglais, pour que leurs enfants aient un sol et deviennent des Antillais. Pour chercher d'autres paradis, et c'est en bâtissant des villes qu'ils ont oublié l'exil. Ils ont connu d'autres musiques, les tambours, les maracas, qui font bouger les tropiques et oublier le temps qui passe. Parti du nord de Bretagne ou d'ailleurs, parti chercher un avenir meilleur, les yeux de Bretagne, ou d'ailleurs Philippe Laville, pardon, Philippe Durand de la ville Jégu du Fresnay, de son vrai nom, et c'est un peu son histoire qui est racontée dans cette chanson, ou en tout cas l'histoire de sa famille qui a fui le régime de Louis XV en 1750, et les parents de Philippe Laville à la Martinique, aux Antilles, donc exploitaient une bananeraie. Voilà pour cette petite histoire et ce petit succès de 1990, signé donc Philippe Laville. On se retrouve pour la suite de ce R240 dans un instant. Il y aura bien sûr les titres qui vous ont fait danser dans les années 70, 80 et 90. Et puis des oubliés des années 70 dans un instant. Ça sera avec Au clair d'une femme et William Say. 70 plus 80 plus 90 égale 240. R240. J'ai connu une femme, un soir de brume dans ma vie. Une femme, une musique, belle comme la mélancolie. Et son cœur me parlait, mieux que des mots murmurés. J'étais bien comme si je l'avais déjà aimée dans une vie. Au clair d'une femme, j'ai reposé ma vie. J'ai rêvé d'elle tant de fois. Au clair d'une femme, je vois briller mes nuits. Dans le manteau de ses bras, tout comme un cadeau. j'ai blessé, j'ai trahi. Sont des lacs où je puise la vérité. L'amour sur son visage, un soleil pour me guider. Dans la nuit, son parfum qui m'aide à la retrouver. Son sourire au matin pour éclairer la journée, je revis. Au clair d'une femme, j'ai reposé ma vie. J'ai rêvé d'elle tant de fois. Au clair d'une femme, je vois briller. D'une légende aujourd'hui, au pays de sa peau, je vis bien mes insomnies. J'ai fait la paix avec moi, moi, pour cette femme, j'ai guéri mes envies. Comment vous dire ? On ne peut même pas parler de disque oublié, mais carrément d'un disque, d'un 45 tours à côté duquel la France quasi entière est passée à côté en 1983. Malheureusement pour William Sailly, on est beaucoup passé à côté de ses chansons et malheureusement sa fin sera assez triste. Au clair d'une femme, donc, c'était en 1983 et non, ce n'était pas Michel Sardou, mais bien William Sailly. Les années 70, tout de suite, en plein exil, aux États-Unis, suite à des problèmes avec le fisc, Michel Polnareff écrit une lettre à France. En fait, il reviendra dans le pays beaucoup plus tôt que certains ne le croyaient. Ce titre est un de ses plus gros succès, plus de 470 000 exemplaires vendus dès la première année, et c'était en 1977. Sur un texte de Jean-Loup Dabadi. J'ai mal de toi parfois. je suis comme loin de moi et je pense à toi là-bas. Ah, oui, j'ai le mal à toi parfois, même si je ne le dis pas, je pense à toi tout bas. 70 plus 80 plus 90 égale 240. R 240. J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Les nouvelles sont mon reste, où qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sous la nature humaine. C'est pourquoi elle vous. Enfin, si je le permets, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. Le petit Suisse, comme les animateurs de Radio FM aimaient à l'appeler à l'époque, Stéphane Escher, qui faisait une nouvelle fois confiance à Philippe Dian pour les textes de ce Déjeuner en paix, sorti en 1991, en plein pendant la guerre du Golfe. Peut-être une petite référence, mais enfin c'est surtout vraiment au journalisme et au sensationnalisme dont font preuve les médias pour capter de nouveaux auditeurs ou lecteurs, comme quoi ce n'est pas nouveau, on continue à le vivre aujourd'hui aussi, et j'ai toujours pas mieux appris à prononcer le mot. Allez, nous allons tout de suite attaquer notre petite séquence danse. Années 70, années 80, années 90, un bon programme qui va commencer très disco avec véritablement le succès du disco. Attention, Un titre qui se classe numéro 1 en Autriche, en Suède, en Norvège, en Nouvelle-Zélande et en France. France où il a été écrit. Son premier succès, c'était en Italie dès 1978. Auteur, compositeur, interprète, Patrick Hernandez. Born to be alive, né pour être en vie, ça veut pas forcément dire grand-chose, mais ça a bien fait danser. Et il y avait une certaine Madonna qui était plus ou moins babysitter, fille au père à l'époque, et qui a commencé à collaborer un petit peu dans le monde de la musique sur ce titre, Born to be alive, Patrick Hernandez, et on restera à danser avec, pour les années 80, Jean-Pierre Madère qui nous emmènera au Macumba. Go! 80 plus 90 égale 240. R 240. The difference is in the mix with DJ Boris. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. À sortir son Macumba, c'était Julien Clerc en 1978, mais là 1985 avec Jean-Pierre Madère qui travaillait avec Richard Seff à l'époque et qui a enchaîné sur le succès de Disparu avec cette salsa modernisée au Macumba où elle dansait tous les soirs. J'espère que vous avez dansé aussi tous les soirs, peut-être comme une Barbie Girl et le groupe Aqua à l'instant. C'était en 1997 ce titre qui se moque un petit peu de Barbie et de Ken. Si le groupe scandinave a eu l'idée d'écrire cette chanson après avoir vu une exposition sur la culture kitsch, cette chanson leur a valu quand même un procès avec Mattel, le créateur de la poupée Barbie, qui estimait que cette chanson ternissait la réputation de la poupée car il l'avait transformée en objet sexuel. Pardon. Ceci dit, il faut quand même savoir que depuis 2009, eh bien, cette rythmique de Barbie Girl a été utilisée par Mattel pour ses publicités. Allez, on referme la deuxième partie de ce R240 avec l'année 1984 et un titre qui restera célèbre pour être le premier numéro 1 du Top 50, une émission que le groupe Canal et Europa avaient créée pour être moderne. Or, c'est pas un titre moderne qui est le premier numéro 1, et en plus il reste 9 semaines avant même de revenir encore quelques semaines plus tard en 1985. Superbe duo en tout cas, qui était une phase B à l'origine, et d'ailleurs, lors du repressage, eh bien, on a inversé les faces parce que l'autre n'a jamais été passé sur aucune radio. Et d'ailleurs, Peter et Sloan, à l'époque, n'étaient pas diffusés en FM. C'est Europe 1 qui est à l'origine du succès de cette chanson. Regarde, le jour se lève dans la tendresse sur la ville. Tu me fais vivre comme dans un rêve, tout ce que j'aime, besoin de rien, envie de toi, comme j'avais envie de personne. Tu vois, le jour s'éteint. enfant d'Afrique a perdu le sourire. Ève en velours, chagrin d'amour, chemin du petit jour, n'aime plus rien. Oh, femme future, sur ce trésor, le corps en aventure, elle s'endort. Ève, lève-toi et danse. 1986 pour ce grand succès de Julie Pietri, Ève, lève-toi, le plus grand succès de la chanteuse. 900 000 exemplaires vendus, disque d'or et disque de platine, selon le site officiel de Julie Pietri. En tout cas, 27 semaines numéro 1 du top 50 du 9 août 86 au 7 février 1987. Et c'est quand même un hymne féministe, même si Julie Pietri a avoué que lors des balances des concerts, pour s'amuser un petit peu, elle changeait les paroles. Ça devenait « Ève, lève-toi, tes enfants ont vomi », enfin, etc., etc. Je vous passe les détails. Et on vous dit, après tout ça, bienvenue. Bienvenue chez moi. Les années 90, maintenant, avec, évidemment, ces titres de Florent Pagny, extraits de l'album éponyme, sorti en septembre 95. Un album qui mélangeait anciens succès et nouveaux titres. On retrouvait notamment N'importe quoi ou Presse qui roule, et puis 14 plages officielles et une 69e à découvrir, un titre classé, un titre caché pardon, qui s'appelle Le Blues. Je vous laisse écouter ce Bienvenue chez moi de Florent Pagny, 1995. Un train qui marche longtemps, quand la pluie fait rage, quand partent les ans, quand la rue te vole tes nuits, quand c'est toujours dimanche, tant pis. Qui cherche un abri, qui donnerait tes mains pour un peu de travail, qui essaie de rester fier quand tes chaussures s'écaillent. Y'a toujours un poème pour le destin qui te blesse, quelqu'un qui t'aime pour les regrets que tu laisses. Si tu peux rester le même, toi qui changes ton adresse, tu seras bienvenu chez moi, bienvenu chez moi, pour partager l'ivresse les doutes, les peines et les joies. Bienvenue chez moi, tu seras bienvenu chez moi. Si tu n'abandonnes pas, tu vaux plus que ce que tu crois. Souvent les lèvres sont sèches et les portes sont closes quand la ville s'endort. Le corps est fatigué quand la solitude brûle plus fort. À toi qui mérites mieux que les barreaux solides communique des corps. À ces rires invisibles qui ne te réveillent pas quand tu dors. Il y a toujours un soleil dans les larmes que tu verses. Et quelqu'un qui sait ta patience et ta tendresse. Toi qui restes fort et droit devant les murs qui se dressent. Oh, sois le bienvenu chez moi. Bienvenu chez moi. Sans or et sans promesse, j'ai tant à apprendre de toi. Tu seras bienvenu chez moi. 70 plus 80 plus 90 égale 240. R 240. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai sécher tes larmes au vent des quatre points cardinaux. Respirer la violette à Parme et les épices à Colombo. On verra le fleuve Amazone et la vallée des orchidées. Et les enfants qui se savonnent le ventre avec des fleurs coupées. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Allons voir la terre d'Abraham, c'est encore plus beau qu'on le dit. Il y a des Van Gogh à Amsterdam qui ressemblent à des incendies. On goûtera les harengs crus et on boira du vin de Moselle. Je te raconterai le succès que j'ai eu un jour en jouant ce ganarelle. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai voir Liverpool et ses guirlandes de haddock. Et des pays où il y a des poules qui chantent aussi haut que les coqs. Tous les livres les plus beaux de Colette et de Marcel Aimé. Ceux de Rabelais ou de Léoto, je suis sûr que tu vas les aimer. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'apprendrai à la Jamaïque la pêche de nuit au Lamparo. Et je t'emmènerai faire un pique-nique en haut du Kilimandjaro. Et tu grimperas sur mon dos pour voir le plafond de la Sixtine. On sera fasciné au Prado par les Goya ou les Ménines. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Connais-tu en quadriphonie le dernier tube de Mahler et les planteurs de Virginie qui ne savent pas qu'il y a un hiver. On en a des choses à voir jusqu'à la Louisiane en fait, où il y a des types qui ont tous les soirs du désespoir plein la trompette. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Oublie-les, les petits cons qui t'ont fait ça. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Je t'en supplie, mon petit loup, ne pleure pas. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. J'oublierai, mon petit loup, ne pleure pas. La chanson avec accordéon de notre émission, elle est une petite entorse puisque la première version a été écrite en 1976. La version que l'on connaît date de 1979. La toute première, en fait, était destinée à une jeune fille violée, mais Pierre Perret a modifié le texte pour qu'il devienne une berceuse plus universelle et bien évidemment à l'accordéon. Sur ce titre de Mon Petit Loup, c'est notre ami Gilou que l'on entendait. On va se quitter, il n'y aura pas d'accordéon, il n'y aura même pas d'instrument, que de la voix. A cappella, grand succès des années 90, 1992, même si ma mémoire est bonne, pour ce succès des Powo, Alain Chenevière, Ahmed Mouissi, Pascal Périse et Bertrand Pierre à l'origine. Le groupe s'est séparé en 1997 et auparavant, Alain Chenevière et Pascal Périse avaient formé un groupe qui s'appelait Les Alligators. Ils avaient fait Rockabilly Gator en 1980. Beaucoup d'humour aussi. Et là, moins méchant que l'Alligator, c'est le chat que l'on retrouve et c'est avec ce titre que l'on se quitte. À très vite pour un nouveau rendez-vous d'Air 240 avec Denis. Bye. Moi vouloir être un chat, me frotter contre tes bas, je me ferai angora pour me blottir dans tes bras. Je te jure, je boirai plus que du lait, je n'aime plus l'avocat. Moi vouloir être un chat tous les soirs quand je te vois. Moi vouloir être un chat, retrouver sur les gouttières mes copules de litière, me toujours rester à toi. Prendre des minchafouilles, me lécher les babines quand viennent tes copines. Moi vouloir être un chat, et ne risquer de tes doigts que le caresse sur moi. Attendre mon repas, tapis au creux de tes draps. Si un jour tu préfères à mes félines caresses les canines d'un chien en laisse, tu ne comptes pas sur moi. Pour dormir sur le sofa, je te montrerai de quoi est capable un gros chat. À ce jeu-là, je suis roi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera toi.